Le bon Lippmann, extrait des Petits Contes alsaciens écrits par Jules Girardin, lu par Armène pour audiocité.net. On se disputait cette place-là parce que c'était la meilleure de toute la classe. À droite, on avait le mur contre lequel on s'accotait de l'épaule sous prétexte qu'on était fatigué. Si l'on éprouvait le besoin de se distraire, on faisait un quart de conversion, on s'appuyait le dos au mur et on voyait toute la classe. Celui qui est assis sur les derniers bancs du fond voit toute la classe aussi, mais seulement il la voit de dos. Il ne peut pas échanger avec les amis des signes de tête et des grimaces. Et cela fait une grande différence, vous m'entendez bien. Quand on était à cette place-là, on avait le poil presque entre les genoux et le tuyau à portée de la main. Le poil de fonte était petit, mais très rageur. Je veux dire qu'il dévorait en un clin d'œil les grosses bûches que chacun de nous apportait pendant l'hiver. Dès qu'il avait fini de dévorer sa bûche, il grondait comme un tigre affamé pour en avoir une autre, et ainsi de suite. C'était amusant de l'entendre gronder, de se lever pour lui donner sa pitance, d'écouter les pétillements du bois sec et les plaintes du bois mouillé, de voir la cendre toute rouge tomber par le fond et former un petit tas. Quand on était à la bonne place, on faisait cuire des pommes de terre, des châtaignes et des pommes sous la petite colline de cendre. Et puis l'on faisait des grillades de pain le long du tuyau quand il était rouge. Cette semaine-là, c'était comme un fait exprès. Personne ne pouvait tenir plus d'une heure à la bonne place. Klippel en avait été chassé pour avoir braisé ses sabots au point d'y mettre le feu. Schön pour avoir oublié qu'il faut entamer les châtaignes avant de les mettre cuire sous la cendre chaude. Heilbutt pour avoir grillé ses chaussons de lisière. Otto, Böhm, Trost pour avoir empesté la classe d'une âpre senteur de pain brûlé. Et Bepp pour avoir mis fondre une boule de neige sur la cloche du poêle. Après avoir évincé Bepp, le père Krauk nous regarda tous les uns après les autres, d'un air inquiet, cherchant parmi tant de réprouvés une âme honnête et sans tache. « Ah ! » dit-il enfin avec un soupir de satisfaction. « Lippmann, prends tes livres et viens changer de place avec Bepp. » Lippmann prit ses livres d'un air soumis et vint occuper la place de Bepp. Un frémissement d'indignation parcourut toute la classe quand on vit le père Krauk, entre tant de candidats, choisir le seul qui fut hors d'état d'apprécier le bonheur qui lui arrivait à l'improviste. Lippmann s'assit devant le poêle avec autant d'indifférence que si c'eût été un appareil frigorifique. Il assujettit niaisement ses bouts de manches en lustrine noire et se disposa à écouter les explications du père Krauk, absolument comme s'il n'avait pas eu un poêle bien ronflant entre les jambes et un tuyau surchauffé à la portée de la main pour faire des grillades. Mais voilà qu'au bout d'une demi-heure à peine, une terrible odeur de pain brûlé se répandit à travers les bancs. « Sac à papier !» s'écria le père Krauk en bondissant hors de son fauteuil. « Comment, Lippmann, toi aussi ?» Lippmann pâlit, rougit, balbutia et se couvrit les deux yeux de ses deux poings fermés. « Tu dis ?» tonna le père Krauk au milieu d'un silence de mort. « Ce n'est pas ma faute !» bégaya le misérable Lippmann sans retirer ses deux poings de ses yeux. « Vous verrez que c'est la mienne !» répliqua le père Krauk avec une ironie écrasante. Cette plaisanterie fut accueillie par un immense éclat de rire. Le père Krauk donna un grand coup de poing sur la chaire et reprit avec un calme effrayant. « De quoi riez-vous ? Lippmann dit la vérité. Je vois ce que c'est. Ses voisins l'ont forcé, comme toujours, à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Réponds-moi, Lippmann, le pain avec lequel tu as fait cette grillade, ce n'est pas toi qui l'avais apporté en classe ?»« Non, monsieur, » répondit Lippmann d'une voix indistincte. « Je le savais. On te l'a passé ?» On le lui a passé, en effet, avec injonction de faire une grillade. Au moment où il va en convenir, Hortus lui allonge un coup de pied et Balp le pince jusqu'au sang. Il a cédé, comme toujours, mais la peur l'empêche de dénoncer les coupables. Il ne répond rien à la question du père Krauk. « Je vois encore ce que c'est, » reprend le père Krauk. On t'a passé le pain, on t'a forcé à faire la grillade, et à l'heure qu'il est, on te fait peur. Balp et Hortus en savent quelque chose. » Avec l'indignation de la vertu calomniée, Balp jure ses grands dieux qu'il n'a pas passé le pain, et Hortus qu'il n'a fait aucune menace. C'est strictement vrai, puisque c'est Hortus qui a passé le pain et Balp qui a fait la menace. Tous les deux protestent si énergiquement que le père Krauk ne sait plus à quoi s'en tenir. « N'importe, » s'écria-t-il avec une soudaine énergie, « il faut que tout cela finisse. Lippmann, te voilà grand et gros comme père et mère, et tu te laisses faire la loi par des roquets que tu renverserais d'une chiquenaude. Tu es un bon garçon, je le sais, mais il ne faut pas que la bonté dégénère en sottise. Tes camarades se font un jeu de te mettre en avant et de te faire punir, toi, le plus docile et le plus soumis de mes écoliers. Réveille-toi, mon garçon. Je ne te conseillerai jamais d'abuser de ta force pour attaquer les autres, mais je puis bien te conseiller de leur résister et de te défendre. Tu as de bons points au bout des bras. Fais-toi respecter, mon garçon, fais-toi respecter. Quand on te pousse à faire quelque sottise, réponds « je ne veux pas ». Et quand on te menace pour te faire obéir, dis résolument « nous verrons bien ». Je croyais qu'il était défendu de se battre, murmure le bon Lippmann d'un ton indécis. « Je t'ordonne de te défendre, » répond le père Krauk avec énergie. « Ma mère et ma tante, » reprend le bon Lippmann. « Ta mère et ta tante ont raison en principe, » répond le père Krauk, qui soutenait toujours l'autorité des parents. « Seulement, elles te diront comme moi que les gens faibles en ce monde font ou laissent faire plus de mal que les méchants. Quand j'avais ton âge... C'est bon, préviens ta mère et ta tante que j'irai leur parler après la classe du soir. » Le lendemain, qui était un jeudi, j'allais chercher Lippmann pour faire une partie de traîneau. « Avec qui faites-vous cette partie ?» me demanda Madame Lippmann. « Avec mes deux sœurs. Il n'y aura pas d'autres garçons de l'école ?»« Non, Madame Lippmann. »« Ma sœur, » dit Madame Lippmann à Mademoiselle Sophie, « qu'en pensez-vous »« Nous pouvons le laisser aller. » Comme nous nous en allions tous les deux, Lippmann et moi, je lui demandais ce que le père Krauk avait dit à sa mère et à sa tante la veille au soir. « Oh, bien des choses !» me répondit-il d'un air réservé. Mes deux sœurs montèrent en traîneau. Lippmann et moi, nous devions être les chevaux. Lippmann était bien plus robuste que moi. Il tirait le traîneau presque à lui tout seul. « C'est bien dommage, me disais-je, le voyant si vigoureux et si bien découplé, qu'il se laisse faire la loi par les petits, même par Hortus, même par Balp, même par Truffaut. » Comme nous passions dans l'avenue des grands hêtres, le bon Lippmann poussa un cri de douleur. une boule de neige venait de s'aplatir sur son oreille gauche. Instinctivement, il se détourna pour éviter une seconde boule, mais sa prudence ne lui servit de rien, car il reçut une seconde boule juste au même endroit. « C'est très mal !» dit-il d'un ton de remontrance en se tournant du côté de l'ennemi. L'armée ennemie était composée de Truffaut, de Balp et d'Orthos. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Balp à ses deux complices. « Il dit que c'est très mal !» répondit Truffaut d'un ton moqueur. « On tâchera de mieux viser !» reprit Balp. Il visa mieux cette fois en effet et atteignit le bon Lippmann juste entre les deux yeux. « Je vais les faire finir !» lui dis-je en voyant deux grosses larmes qui lui coulaient le long des joues. « Non, non !» reprit-il vivement. « Ne te mêle de rien. Tu es témoin que j'ai été attaqué. Je le crois bien. Tu es témoin que je suis obligé de me défendre. Et tu feras bien de t'y mettre. » Les boules de neige pleuvaient, et il nous en arrivait des éclaboussures à mes deux sœurs et à moi. Le bon Lippmann retroussa tranquillement ses manches et, sans crier gare, se précipita sur les assaillants qui préparaient de nouveaux projectiles. Le premier qu'il rencontra fut Balp, qui était encore accroupi, occupé à ramasser de la neige. Les deux autres avaient instinctivement reculé de quelques pas. Sans dire un seul mot, le bon Lippmann saisit Balp par le collet de sa veste, l'étala tout à plat dans la neige, le roula 4 ou 5 fois sur lui-même, malgré ses ruades et ses beuglements, lui frotta les oreilles et le nez avec une savonnette de neige pour entretenir la circulation, et se releva à temps pour faire face à ses deux autres ennemis qui accouraient au secours de Balp. « Edin, » dit-il en lâchant Balp, qui demeura assis dans la neige tout penaud de sa déconfiture. Truffaut, qui s'élançait les deux poings fermés, fit 2 tours sur lui-même en criant piteusement que ce n'était pas de jeu. Je n'aurais jamais cru le bon Lippmann capable d'administrer de pareilles bourrades. « Et cela, est-ce de jeu ?» demanda ironiquement le bon Lippmann en lui allongeant les oreilles. « Et cela, et cela ?» Truffaut avait mesuré le sol. Truffaut, en moins de 2 secondes, avait montré au ciel les semelles de ses bottes, puis le bout de son nez rouge, puis encore les semelles de ses bottes. « En as-tu assez ?» demanda le bon Lippmann d'un ton animé. « Parce que, si tu n'en as pas assez, je puis te contenter sans me gêner pendant que j'y suis. »« Mon petit Lippmann !» hurla ce lâche de Truffaut. « J'en ai assez, j'en ai trop, je te demande pardon. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est Orthos !»« Pas de jaloux !» s'écria le bon Lippmann en cherchant des yeux son troisième adversaire. Son troisième adversaire avait gagné le large et ne s'amusait pas à regarder derrière lui. Le bon Lippmann resta maître du champ de bataille. Quand le fuyard eut atteint le mur du cimetière, il osa se retourner. Le bon Lippmann, ayant fait 2 ou 3 enjambées, comme s'il allait se mettre à sa poursuite, Orthos décampa avec une agilité merveilleuse et disparut bientôt derrière les premières maisons du village. « Me voilà tout ragaillardi et tout réchauffé, » dit le bon Lippmann en reprenant la bricole du traîneau. « Le père Krauk avait bien raison, il n'y a que le premier pas qui coûte. » Je jugeais inutile de lui demander ce qui s'était passé la veille et ce que le père Krauk avait dit à sa mère et à sa tante, je le devinais facilement. Tout l'hiver, le bon Lippmann a occupé la bonne place, sans recevoir de coups de pied par derrière, sans être ni pincé ni bousculé par personne et sans faire de grillade pour le compte d'autrui le long du tuyau de poêle. On l'appelle toujours le bon Lippmann, parce qu'il n'a pas cessé d'être bon comme du pain. Mais on ne se moque plus de lui. Il n'y a pas de danger maintenant. Filtoupier, le fils du maire, qui est devenu un des grands amis du bon Lippmann, s'amuse quelquefois dans la cour à lui passer la main sur le dos en disant « Cet animal est très méchant, quand on l'attaque, il se défend ». Le bon Lippmann plie les épaules et cligne des yeux en souriant. Mais il a beau faire le modeste, on voit qu'il est flatté de passer pour un animal très méchant. C'est un peu la manie de tous les gens inoffensifs.